Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salat wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fanabda fi hadha al-yawm fi darsin jadid. On commence aujourd'hui l'étude d'une nouvelle risala. Et on a choisi هذه الرسالة المختصرة المفيدة توجيهات مهمة لشباب الأمة للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Donc des conseils importants pour les jeunes de la communauté. Et on a besoin de revenir à nos savants et profiter de leurs conseils. Ces conseils qu'il a cités, rahmatullah alayhi, fi hadhihi ar-risala, c'est des conseils très très profitables. L'insan, si il ne revient pas à ahlul ilm et il ne fait pas des efforts dans l'ilm, il va penser que c'est utile alors que c'est des choses néfastes pour lui et pour son entourage. Obama, il va penser que des choses c'est mauvais, c'est inutile, alors que c'est très très profitable pour lui. L'insan, il a besoin des conseils de ses frères, des conseils de ses proches, des conseils قبل ذلك de ahlul ilm, des conseils qui sont fondés sur Al-Qur'an ou As-Sunnah. Les ulama, ils ont de l'expérience. Kadhalik, ils ont fait des efforts dans l'ilm que les autres ils n'ont pas fait. Kadhalik, ils ont atteint un niveau que les autres ils n'ont pas atteint. Profiter d'eux, c'est mufid jitten. Et hadhihi ar-risala, c'est des conseils réservés aux jeunes. Et kadhalik, autre que les jeunes, ils profiteront de hadha al-kalam al-mufid. Fanas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا شك أن شباب الأمة هم أساس البناء الإنساني الذي تقوم عليه الأمة فالشباب هم الناشئة الذين سيتحملون المسؤولية بعد آبائهم. C'est pour ça que العلماء بل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يدوني beaucoup d'importance aux شباب, aux jeunes, aux enfants et كذلك aux adolescents, aux jeunes. لماذا؟ كما قال الشيخ رحمه الله حفظه الله أنهم أساس البناء الإنسان. C'est eux la base de cette communauté. فالشباب هم الناشئ الذين سيتحملون المسؤولية بعد آبائهم. Il y en a ces jeunes, ces enfants d'aujourd'hui. Demain, ça sera eux les responsables. Ça sera eux les gouverneurs. Ça sera eux les professeurs. Ça sera eux les savants. Ça sera eux les pères, les mères. Donc, si au départ, on prend soin d'eux, tarbiyatun hasana, on leur donne les vraies valeurs, l'apprentissage de at-tawhid, de al-aqida, différencier entre le vrai et le faux, فَبِإِذْنِ azza wa jal, dans quelques années, on verra les fruits de هذه التربية, de cette éducation. C'est exactement comme un arbre, comme une plante. Si tu veux que cet arbre y pousse et profiter de ses fruits plus tard, فَلَا بُدْ مِنَ الْعِنَايَ بِهِ, t'es obligé d'en prendre soin. T'es obligé de ne pas l'exposer toujours au soleil. T'es obligé de l'arroser. T'es obligé d'écarter certaines choses qui peuvent être nuisibles. Certains insectes. Il a akhiré. Hakada ash-shab. T'es obligé de prendre soin de lui. T'es obligé d'arroser son cœur avec l'ilm, avec at-tawjihat, avec an-nasa'ih. T'es obligé d'écarter كذلك, de ce jeune, de cet enfant, les choses nuisibles. Que ce soit certaines personnes, que ce soit certaines choses qui sont utilisées, certains appareils. Il a akhir. Hatta nuhafid ala hadhihi an-ni'ma. Les enfants, c'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jal. Cet enfant, ça deviendra un jeune. Et al-inaya, c'est au départ. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard plus tard. Là, lakin plus tard, ça sera très très compliqué si on est négligent au départ. C'est exactement si on prend l'exemple kadhalik d'un arbre. Si cet arbre, au départ, tu le laisses pousser et au départ, il est tordu, il est incliné, elle va pousser et elle sera tordue. Et la remettre cet arbre droit, c'est très très compliqué. Robama, si tu forces trop, tu le casses. Enfin, c'est pour ça, les agriculteurs, au départ, cette plante, cet arbre, ils la supportent avec des choses, elle pousse convenablement. Faut arriver à un certain moment, quand l'arbre il est assez solide, il retire ces choses. Ah, quand t'as le jeune. Si on le laisse au départ livré à lui-même, sans conseil, sans inaya, sans lui montrer, sans une éducation, sans des valeurs, sans une aqida qui lui sera utile, bi idhnillah azza wa jal fi dunya wal akhirah, thumma, on le laisse livré à lui-même, thumma, des années plus tard, on veut le remettre sur tariq de force, sur le bon chemin, sur le droit chemin de force, ahyanan, ça marche pas, illa an yasha Allah azza wa jal. Ça nous montre la responsabilité. Chacun de nous est responsable. Bien sûr, responsable de ses enfants, kadhalik, on a une responsabilité envers nos frères. At-tawjih wa an-nasiha, c'est pas que pour les proches là. Khassatan man akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bil ilm wal fahm. Celui qui a de la science, il connaît certaines choses, il a compris ces choses. Wala bud min nusha shabab hadhihi al-umma. Qala فالشباب هم الناشئة الذين سيتحملون المسؤولية بعد آبائهم والشباب فيهم من القوة البدنية والفكرية والمواهب الجديدة ما ليس عند الكبار بل ces jeunes ils ont de l'énergie, ils ont une certaine force, ils ont une motivation que al-kibar, ceux qui ont atteint un certain âge, ils n'ont plus. Donc ils sont très très utiles pour la communauté. قال فالكبار عندهم الحكمة والتجارب والشباب عندهم القوة والاستعداد. Ça nous montre que notre communauté elle a besoin de personnes âgées qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, qui ont un certain vécu, encore plus bien sûr si c'est des savants. Et كذلك الشباب. الشباب عندهم القوة والاستعداد. Ils ont la motivation, ils sont prêts à faire certaines choses, ils ont de la force, de l'énergie. قال فإذا تعاون الشباب والكبار في النهوض بالأمة حصل الخير الكثير. Si ces deux générations, ils s'entraident, الكبار, ceux qui ont atteint un certain âge, 50, 60, 70 ans, et les jeunes, ceux qui ont la vingtaine ou un peu moins, la trentaine, il a arrêté, et ils s'entraident, فإنشاءالله يحصل خير كثير. Beaucoup de bien. قال أما إذا انفصل الشباب عن آبائهم وعن كبارهم تدخل الشياطين الإنس والجن فيما بينهم فانحاز الشباب إلى اتجاه آخر يضر بالأمة. أما s'il y a une division, il y a une coupure entre ces deux générations, les jeunes d'un côté, les vieux d'un côté, que ça soit au masjid ou autre, فهنا الشيطان يرentre et il fait beaucoup de mal aux jeunes. Et كذلك du mal aux personnes âgées. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a donné de l'importance aux deux générations, aux jeunes et aux vieux. أما ما يفعله بعض كبار السن من انعزال الشباب que ce soit في المساجد أو غيرها فهذا ça fait pas partie de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Parce que certaines personnes qui ont atteint un certain âge, ils mettent de côté directement les jeunes et ils ne leur donnent aucune importance, que ce soit au masjid ou autre. Ah là, ça ne fait pas partie de la sunna, de la voix du prophète, alayhi salatu wasalam. كذلك ما يفعله بعض الشباب من احتقار الكبار, ils ne donnent aucune importance aux vieux et عندهم les vieux n'ont rien compris, etc. فهذا ça fait pas partie de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. تأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، أي ne fait pas partie de nous، أي de sa voix، de la voix du prophète عليه الصلاة والسلام، من لم يرحم صغيرنا، celui qui n'a pas de miséricorde envers les petits، envers les jeunes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس منا من لم يوقر كبيرنا، celui qui ne respecte pas les personnes âgées. Ça, ça nous montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le haqq à chaque génération, aux jeunes et ceux qui ont atteint un certain âge. قال الشيخ رحمه الله من هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الشباب. Cette rissala, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, il a donné ses conseils pour les jeunes. Donc dans cette rissala, رحمه الله, il va parler أولا des enfants, ثم de ceux qui ont atteint l'âge de l'adolescence et plus. قال من هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم نعم il donnait beaucoup d'importance aux jeunes. قال فقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان غلاما صغيرا. نعم à cette époque ابن عباس رضي الله عنهما c'est un غلام صغير. Il est encore très très jeune. 10 ans un peu moins. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام أولا تأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم il a donné ce conseil à Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما alors qu'il était très très jeune. Ça nous montre هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم il parlait aux jeunes بل aux enfants. كذلك ça nous montre أن on laisse pas الشيطان rentrer et nous faire croire que parler avec un jeune, avec un enfant, le conseiller, il n'y a aucune faïda. Abadoum, il pense que An-Nasiha, c'est que pour ceux qui ont atteint un certain âge. Eh ben, Abdullah ibn Abbas, stafada min hadhihi An-Nasiha, et c'est devenu un conseil pour toute la Ummah. Fasma'a, qala ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahak, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم الحديث إلى حسن حسنه أو صححه الإمام الألباني رحمه الله وهكذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه. قال فكانت هذه الكلمات منهجا للشباب يسيرون عليها لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم وصية للجميع. هذا c'était un conseil à la base pour ابن عباس رضي الله عنه et كذلك c'est un conseil pour tous les jeunes بل c'est un conseil pour chaque مسلم. احفظ الله يحفظك. Et تأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم il a conseillé son cousin le fils de son oncle هذا الطفل هذا الغلام cet enfant il l'a conseillé avec la nasiha la plus importante أي العناية بالقلب il a conseillé de prendre soin de son cœur احفظ الله يحفظك أي si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, fait préserve din Allah azza wa jal, observe les commandements, écarte-toi des interdits, wa idha sta'ant fasta'in billah, at-tawhid. C'est pour ça qu'au départ on a dit anna alayhi sallallahu alayhi wasallam il l'a conseillé fima yata'allaq bi al-qalb bi at-tawhid wal aqida. Si nos enfants les éduquent ala hadha min awwal yawm anna al-isti'ana billah, tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, fais préserve hudud Allah, azza wa jal. Si tu demandes, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. Si tout le monde, tous les êtres humains, ils se rassemblent pour te donner pour t'être utile dans une chose, ils ne pourront que si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. هذا c'est tawhid, c'est l'aqida. C'est enfant un. Si il a compris ces choses et ces choses elles sont rentrées dans son cœur, il ne craindra plus personne sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il espérera que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk. S'ils se rassemblent tous pour te nuire, ils ne pourront pas te nuire que si Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété hada. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Al-iman bil qadar. Si on éduque nos enfants à la hada min awwal yawm et al-shabab ils ont cette aqida, ils n'auront plus peur de ce qu'ils appellent l'avenir. L'imam Ali, elle a cette peur de l'avenir, elle a poussé les jeunes à faire des efforts que fait Dunia. L'imam Ali, ils ont oublié mitla hada al-hadith. Et kathir minhum, ils l'ignorent, ils ne le connaissent même pas. Si on a cette aqida, anna al-umur kullaha c'est bi qadar illahi azza wa jal, alors chaque ça va nous ouvrir des portes dans beaucoup de choses, beaucoup de khair, et kadhalik que ça va fermer des portes de beaucoup de shar, beaucoup de fitan et beaucoup de mal bi idnillah azza wa jal. Qala al-shaykh hafidhahu Allah, fa kanat hadhihi al-kalimat manhajan lish-shabab yasirun alayh. Un manhaj dans le cœur de ce shab, annahu et fais des efforts dans son dîn. L'essentiel, c'est ton dîn. Si tu préserves dîn Allah Azza wa Jal, ay hudud Allah, tu observes les commandements, les obligations, tu t'écartes des interdits, bi'idnillah, toutes les portes, elles s'ouvriront. Ihfadillah yahfadka. Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera contre tes ennemis, min al-jinn wal-ins. Il te préservera contre tout ce qui te fait du mal, bi'idnillah. Ihfadillah yahfadka. قال لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم وصية للجميع. وإذا قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك si on enseigne مثل هذه الأحاديث aux jeunes de la communauté, ça donnera une génération de aqouya, de courageux, pas de mendiants, de fainéants. La moindre chose, il tend la main et il oublie de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir les causes légiférées. Ida sa'alta fas'alillah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a une génération, la moindre chose qu'ils ont besoin, ils tendent la main. Et ils sont humiliés, ils sont rejetés. Limadha li annahum, personne leur a appris mitla hadhihi tawjihat an-nabawiyya. Al-if, le fait de se préserver, de ne jamais se rabaisser. خاصةً pour dunya, de se rabaisser que pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال هذه وصية تتضمن توجيهات عظيمة للشباب في عقيدتهم وسلوكهم وأخلاقهم. أحاديث. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il l'a cité fil arba'in. Un hadith, testavid minhu dans ta aqida, dans as-suluk et dans l'akhla. Dans ta vie de tous les jours, dans ton comportement. C'est un hadith azim. C'est pour ça que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a enseigné à Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Qala, وتوكلهم على الله عز وجل وإيمانهم بالقضاء والقدر فهي وصية جامعة عظيمة. نعم التوكل. Combien de شباب, combien de jeunes de la communauté, ils ont un problème في التوكل. Prends l'exemple du travail. Annahum, ils pensent que si un tel il le licencie مثلاً de son travail, كأنه il va mourir de faim. أين التوكل على الله. Et cette aqida pousse certains jeunes à faire des concessions sur leur dîn. Certains jeunes, à cause du travail, ne font plus salat. À cause du travail, ils ne font pas le hajj. À cause du travail, ils font beaucoup de mukhalafat. Tout ça pourquoi? Parce que je travaille et je ne peux pas me permettre de délaisser ce travail. أين التوكل على الله. Si toute la communauté belle, toutes les créatures, elles se rassemblent pour te donner une chose, tu auras cette chose que si Allah y veut. Parce que ce travail, c'est une cause. Si cette cause, elle te pousse à faire du haram, c'est une fitna. C'est plus un travail pour ton bien, là, c'est une fitna. Et si tu as compris, قول الله عز وجل, وَإِذَا اسْتَعَنْتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. إِذَا اسْتَعَنْتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Tu as besoin de travailler, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin d'argent, tu as besoin comme tout le monde, de manger, il a akhiré, enfin, demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, et fais les causes. Et écarte-toi du haram. Les anna qawluhu, alayhi salatu salam, ihfadillah, ihfadillah, c'est les causes. Les causes, c'est quoi? Les causes, c'est d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, d'obéir à son messager, alayhi salatu salam. Amma, une cause, maintenant, un travail, et tu peux plus faire salat à l'heure, c'est pas une cause, c'est une fitna, hadi. C'est une fitna, délaisser la salat, c'est très très grave. Et on a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Une des plus grandes adorations, des plus importantes, c'est as-salat. Donc, هذا الحديث في الحقيقة c'est من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. On pourrait citer des dizaines et des dizaines d'exemples par rapport aux jeunes dans ce hadith. قال وتوكلهم على الله عز وجل وإيمانهم بالقضاء والقدر فهي وصية جامعة عظيمة. Et l'iman bil qada wa al qadar, si on enseigne هذا الأصل العظيم, ce fondement parmi les six piliers de la foi à nos enfants depuis qu'ils sont jeunes, enfin, ça sera utile pour eux et pour toute la communauté, bi-idhnillahi azza wa jal. Léanna, quelqu'un qui a hadhal iman bil qadar, qui donne de l'importance à ce point, c'est pas comme quelqu'un qui n'a pas hadhal iman. Léanna, ce jeune, il patientera sur beaucoup de choses. Ça va pousser ce jeune à être modeste. Comme mina shabab, ils ont de l'orgueil. Ils ont de l'orgueil et ils sont attirés que par le sport, par l'apparence. Et yabonnoun annahum avec leur physique, ils vont faire telle et telle chose. Ils ont des faiblesses dans ce point. Ils ont des énormes faiblesses dans ce point. Mais celui qui a l'iman bil qada ou al qadar, il sait que tout ce qui se passe, c'est bi qadarillah. Amma huwa, c'est un abd, un va'if, un miskin. Il fait certaines causes. Faqat wa illa fal amr ila biyadillah min qabl wa min ba'd. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère هذا الكون. Et c'est Allah azza wa jal qui a tout décrété. كذلك, ce jeune, avec هذا l'iman bil qada wal qadar, il patientera énormément. Il a perdu son travail, il a perdu ses parents, il est touché par une maladie. Il dit قدر الله وما شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. Il patientera. بعض الشباب الآن ils ont un ضعف كبير. Pourquoi? Parce qu'ils ont des faiblesses في هذا. Ils ont des faiblesses. لماذا؟ لأنهم certains, ils pensent qu'à Dounia. Leur journée, le matin, c'est travail pour ceux qui travaillent. Thumma, une grosse partie de la journée de travail, et hada sa tayyib si c'est dans le halal. Thumma, après le travail, le sport. Thumma, après le sport, le téléphone, la télé, les amis, et hakada, tous les jours. Aina al-ilm, aina al-ibada. Un peu de temps pour la science, ben normalement c'est beaucoup de temps, lakin. Ils ne peuvent pas, donc un peu de temps pour la science, avec les obligations. On doit leur donner leur haq, chaque obligation à son heure, la salat et autres. Aïna hada. Qala, hafidhahullah, wa an Anas, radiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, wa mu'adha radifuhu ala al-rahl, radifuhu ala al-rahl, ay, kana rakiban khalfah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture et Mu'adh radiyallahu an derrière lui. Qala ya Mu'adh, qala labbayk ya Rasul Allah wa sa'dayk. Et Mu'adh, à cette époque, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant, Mu'adh radiyallahu anhu, il était très très jeune. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture et ce jeune derrière lui. Hada ash-shab as-salih radiyallahu an. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا trois fois ثم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé ce jeune معاذ بن جبل رضي الله عنه أن celui qui témoigne an la ilaha illallah, que personne ne mérite l'adoration sauf Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbi, avec cette condition en étant véridique, illa harramahu Allah ala an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala il interdit an-nar pour ce abd, ay il ne rentrera pas fi an-nar, ou plutôt il ne restera pas fi an-nar. Qala ya Rasulallah, aysirun. Ya Rasulallah, afala ukhbiru biha an-nas fayastabshiru? Qala idhan yattakilu. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه. نعم. فمعاذ il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce qu'il peut informer la communauté ou les gens de هذه الفضيلة العظيمة, cette bonne nouvelle. Celui qui témoigne بهذه الشهادة العظيمة صدقا en étant véridique أنه الله سبحانه وتعالى يحرم عليه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit لا. إذن يتكلوا. Et ils vont se reposer sur ça et ils délaisseront les œuvres. Fa akhbara biha Mu'ad 'inda mawti. Lakin Mu'ad radiyallahu anhu avant de mourir, il a rapporté ce hadith. Ta'athuman ay pour ne pas cacher al-'ilm radiyallahu anhu. Al-hadith qala muttafaqun 'alayh. Qala al-Sheikh Hafidhahu Allah fa hadha tawjih lish-shabab yubayyin نعم يبين منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب لله على خلقه من عبادة الله وحده لا شريك له. Le premier hadith de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه c'était في أمور العقيدة القضاء والقدر والتوكل etc. Et هذه النصيحة لمعاد رضي الله عنه sur توحيد العبادة. Vous avez remarqué que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donnait beaucoup d'importance aux jeunes et beaucoup d'importance aux priorités. Hada, ça nous montre quoi? Ça nous montre que fi tarbiyat al-abna wa al-shabab, si on veut conseiller, éduquer, enseigner aux enfants et aux jeunes un enseignement profitable, on doit commencer par ces deux points. Al-aqida wa al-tawhid. Al-aqida qui va renforcer son cœur. الإيمان بالله والملائكة والرسل إلى آخره اليوم الآخر القدر. Donc ce jeune il aura des objectifs, il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir la conviction que tout est écrit. كذلك il va avoir un objectif اليوم الآخر, il va plus penser qu'à الدنيا. Et كذلك التوحيد أن في هذه الدنيا, pour atteindre ses objectifs il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, il doit suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On doit enseigner aux jeunes, aux enfants هذه الآية. أي pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Est-ce qu'il nous a créé que pour se faire plaisir? Est-ce que l'objectif de nos jeunes ça doit être que d'atteindre un certain niveau dans le sport? بعضهم عيادا بالله c'est dans الحرام الواضح, la musique. D'autres, c'est dans des projets de dunya. Leur seul objectif, c'est hada. Bien sûr, on parle certains. On ne doit pas généraliser via hada. Il y en a certains jeunes, walillahi alhamd, ils ont beaucoup de khayr dans notre communauté. Lakin, certains, ils ont ce penchant pour dunya. Bel, ba'dhum, ils ne pensent plus qu'à dunya, yadam billah. Alors que Allah Azza wa Jal qal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et celui qui applique ce verset, sidqan, وإخلاصا مخلصا plutôt لله عز وجل هاي فقط partie de ce que النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا حرمه الله على النار. لأن pour ne pas rentrer en enfer il faut faire des causes, pour rentrer au paradis il faut faire des causes. On doit apprendre ces jeunes que un jour on rendra tous des comptes. Qu'est-ce qui va t'apporter ce sport? Qu'est-ce qui va t'apporter ce sport? C'est devenu une fitna pour nos jeunes. Du matin au soir, ils pensent qu'à cela. Travail et sport. Kathir Mila Shabab, c'est devenu leur préoccupation. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? On ne dit pas que c'est haram, le sport c'est bien. Lakin, donne-lui un cadre. Le sport, c'est pour que tu sois mieux physiquement. Et hada satayib. C'est pas interdit, bien sûr, tant qu'il n'y a pas de mukhalafat. Lakin, n'oublie pas ton cœur. Il y en a ce corps que tu entretiens, il a akhira, tu seras enterré comme tout le monde. Et on connaît tous le résultat quand on est enterré. On connaît tous. L'insan a une gifle. Son corps, il se décompose, il a akhiré. Ce corps, sa fin, ça sera hada. N'oublie pas l'essentiel de préparer l'akhira. Il y a une autre vie. On doit expliquer à nos jeunes que il n'y a pas qu'une vie. On arrive à ce niveau. Leur montrer que tu dois préparer l'akhira, l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour quelque chose de précis, un objectif clair. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فحق الله على العباد واجب وفرض ليس لهم فيه اختيار، إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا لم يفعلوا بل يجب عليهم ذلك. On doit leur montrer qu'ils n'ont pas le choix. Et on a un autre problème, أن بعض الشباب، bien sûr, quand on parle des jeunes, on parle des jeunes musulmans. Certains jeunes تأثروا بفكر الغربيين. Certains jeunes, ils ont été touchés par les pensées des ennemis de l'islam. Tu trouves un jeune, c'est un musulman, là, qui, à cause de son ignorance, rien, tu le conseilles, il te fait penser qu'il est libre. Ah non, il est libre. Il n'est pas obligé. Pourquoi tu me dis cela? Je suis majeur, je suis vacciné, min hadha al-kalam al-farigh. Ça vient de quoi? Ça vient d'un problème dans l'éducation. Ça vient d'un problème fi ta'lim. C'est pas à l'école, khasatan 'inda al-kafara, que nos jeunes, ils apprendront. Donc si les parents ne font pas l'effort, ces enfants ils seront livrés à eux-mêmes et ces enfants ils deviendront la proie de هذه الأفكار, de ces pensées. تأمل كلام الشيخ الفوزان ليس فيها ليس لهم فيه اختيار. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Même si l'enfant ne veut pas écouter ses parents, قدر أنه, il doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ses parents ils lui enseignent le Coran ou le Sunna, il lui enseigne les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, les parents, كذلك, ils doivent faire des efforts. Pour que les parents ils enseignent هذا à leurs enfants, aux jeunes, eux-mêmes, il faut qu'ils connaissent هذه الأمور. قال أما حق العباد على الله فهو تفضل من الله عز وجل وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد وإنما هو تفضل وحق تفضل وحق تفضل به سبحانه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم ça c'est الثمرة, c'est le fruit de cette adoration. أن حق الله على العباد أن يعبدوه, أن يعبدوه. كأن شيخ البوزان il a basculé dans l'autre hadith de Mu'adh. On a deux hadiths de Mu'ad. Le premier, ma min abdi yashhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Et le deuxième hadith Mu'ad radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الله على العباد. C'est quoi le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ibad? Ay an ya'buduhu la yushriku bihi shay'a. Ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer. Quiconque, personne. Et al-thamara, le fruit, c'est haqqu al-ibad ala Allah. C'est quoi le droit des serviteurs sur Allah? Et s'ils font cette chose, c'est quoi leur droit? Qu'est-ce qu'ils méritent? قال عليه الصلاة والسلام أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث في الحقيقة فيه تربية عظيمة pour nos jeunes. أنهم s'ils veulent une chose, ils doivent travailler, ils doivent faire les efforts. Tu veux le paradis? Tu veux ne pas être châtié? Il y en a quand tu parles aux jeunes et tu leur récites des versets ou des hadiths sur les délices du paradis ou sur les châtiments de l'enfer, ils t'affaroun jiddan. Lakin, du'at ahl-sunnah, leur da'wa est fondée sur هذا الأصل العظيم التوحيد. Falloir montrer أن هذا النار ou هذه النار ou هذه الجنة, il faut travailler pour être préservé du feu et rentrer au paradis. Et ce travail, c'est bit-tawhid. Donc ce travail, il est beaucoup plus important et il est essentiel, c'est la base. Il passe avant le travail de dunya. Le travail de dunya, c'est pourquoi? C'est pour manger. C'est pour avoir un toit. C'est pour pouvoir acheter certaines choses, se déplacer. Et hada, c'est matloub tant que c'est dans le halal. Là, qu'il y a un travail encore plus important, c'est hada. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, tous les jours, hatta tamut. قال دل على أن التوحيد ضمان من الهلاك إما مطلقا بمعنى أن لا يعذب أبدا وإما أن لا يخلد إذا عذب بذنوبه وهذا تقدم معنا dans les دروس de التوحيد أي قوله dans le premier hadith إلا حرمه الله على النار. Ça peut être éternellement, Allah subhanahu wa ta'ala il le préserve de l'enfer éternellement, أو أصلا de rentrer. Donc إما de rentrer, إما éternellement. لماذا؟ لأن certains croyants, même s'ils disent الشهادة avec véracité, ils pourront être châtiés à cause de certains péchés. Donc, ils seront préservés de l'enfer éternellement. D'autres, ils seront préservés de rentrer. Donc, imma hada, imma hada. Et le deuxième, nafs al-shay'a, la yu'adhib man la yushrik bihi shay'an, imma ta'adhib, kama qala, la yu'adhib abadan, imma Allah yukhlad ida udhiba bi dhunub. Emma, il sera jamais châtié. Emma, même s'il est châtié, il ne sera pas châtié éternellement. Ala kulli hal, ça c'est des hadiths fi fadl at-tawhid qu'on a étudié ensemble dans Kitab at-tawhid. Walillahi alhamd. Qal bal yakhruju min an-nar wa yadkhulu al-janna ma dama annahu min ahli at-tawhid wa lam yushrik billahi shay'an wa dalla ala anna man ashraka billahi shay'an fa inna Allah jalla wa ala yu'adhibuhu 'adaban mu'abbadan la sa'adata ma'ahu abada. Et hada kadhalik, on doit insister. On doit montrer à ces jeunes que chacun de nous, on espère le bonheur. Fi dunya wa fil akhirah. Chacun de nous, on ne veut pas de problème, on ne veut pas être châtié. Fi dunya wa fil akhirah. Le seul moyen, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et leur montrer anna adhab al akhirah, c'est un adhab alim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé un nar pour al mushrikin éternellement. Va montrer à ces jeunes anna, on sera tous réunis le jour du jugement. Et celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il rentrera au paradis. Celui qui n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, ou il lui a donné des associés, il rentrera finnar. Et leur montrer que c'est ça l'objectif. Qala, habidahu Allah, qala Allah ta'ala, innahu man yushrik billah. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تأمل ce verset. من يشرك بالله. Celui qui fait du shirk, أي shirk أكبر. فقد حرم الله عليه الجنة. Il rentrera pas au paradis. Donc montrez à ce jeune, c'est un musulman. Et chaque musulman, il espère le paradis. Lui montrer que هذه الجنة لها مفاتيح. Faut des clés pour rentrer via هذه الجنة. كذلك هذه النار لها أسباب. Il y a des causes. Et la plus grande cause, c'est الشرك بالله. Donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك الله سبحانه وتعالى pardonne tout sauf الشرك. فمontrer à ces jeunes, c'est quoi الشرك. بعض الشباب ils connaissent rien de هذا الشرك. Adorer autre qu'Allah, c'est du shirk. Ceux qui font les juifs, les chrétiens, c'est du shirk. La démocratie, c'est du shirk. Demander aux hommes pieux qui sont morts, c'est du shirk. Sacrifier pour le wali, c'est du shirk. Jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk. Shirk asrar, ça peut être akbar dans certains cas. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, an la yu'adhib man la yushrik bihi shay'an, ya'ni kullama ashraka ma'a Allah min shajaratin أو حجر أو ميت أو حي أو جن أو إنس أو أصنام أو ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء كل من يشرك مع الله شيئا فإن الله لا يغفر لمن أشرك به إلا بالتوبة إذا تاب إلى الله ورجع إلى التوحيد. هذا سان بوان تري تري امبورطون ان سولوي كي دونا ان اسوسي الله سبحانه وتعالى نيمبورت كيل كرياتور ان اربو او اون بيير او ان فيفون ان مور ان انج ان بروفيت un homme pieux ou autre, c'est du shirk billah, celui qui adore cette créature. Enfin, montrer à nos jeunes, on a le fait de dire la ilaha illallah, c'est pas qu'une kalima qu'on doit dire avec la langue. C'est une kalima qu'on doit prononcer avec la langue, qu'on doit comprendre avec notre cœur et qu'on doit mettre en application avec nos membres. Et kadhalik, qu'on doit aimer ceux qui appliquent hadith tawhid. On doit détester ceux qui ont délaissé hadith tawhid ou qui font l'inverse et shirk. قال أما إن مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار أي على الشرك الأكبر نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى le prochain cours on continue هذا الكلام المفيد نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته